Retour à Killybegs, de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Dixième et dernier épisode. Killybegs, décembre 2006. Se sachant condamné par ses frères d'armes, Tyrone Meehan, 81 ans, républicain irlandais, membre de l'IRA depuis son plus jeune âge, se réfugie dans la maison de son enfance pour y attendre la mort. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. Belfast, 3 décembre 2006. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu le flic roux. Une heure plus tôt, il m'avait donné rendez-vous sur la tombe de Henry Joy McCracken. C'est fini, Tyrone. Quoi ? Qu'est-ce qui est fini ? Toi, moi, Dominique, Ténor, toute cette merde. C'est quoi ces histoires ? Où est Walder ? Tu sais, Tyrone, les Anglais. Quoi, les Anglais ? Il est rentré à Londres. Sa mission est finie. Et honoré ? Retourner à ses études. Et moi ? Je deviens quoi, moi ? Hein ? On a un marché à te proposer, Tyrone. Un marché ? Il va falloir t'en aller. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, on va te mettre à l'abri quelque part et ensuite, on t'exfiltrera. Réponds ! Merde, qu'est-ce qui se passe ? On va t'établir une nouvelle identité. T'auras aussi un logement et 150 000 livres. De quoi te tenir un peu en attendant. Je veux pas de ton fric. Je suis irlandais. Je reste en Irlande. Tu n'as pas le choix. Je suis grillé, c'est ça. Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cessez-le-feu a fait bouger les lignes. Et pas fait ça, putain. Putain, vous m'avez vendu! Mais non, pas nous, pas la police d'Ulster, Tyrone. Alors qui, hein? Le MI5? Les Brits? Cette ordure de Walder? Tu croyais quoi, Tyrone? Sincèrement? Comment tu pensais que ça allait finir? Vous pourriez pas me foutre la paix. Eh bien, justement, c'est la paix, Tyrone. Tu leur étais utile en temps de guerre, tu vas leur être utile en temps de paix. Mais. Je comprends rien, là. Je comprends rien du tout. Sinn Féin récolte les fruits du processus de paix. Vous marquez des points partout. Vous allez devenir le premier parti politique d'Irlande du Nord. Et ça les fait chier, Tyrone. Mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Londres vous aime pas. Dublin non plus. Vous avez déposé les armes. Alors, ils peuvent plus vous tirer dessus, mais... ils peuvent encore vous nuire. Qu'est-ce que tu racontes? Un traître. Ça fout en l'air le moral d'une communauté. C'est comme une grenade à fragmentation. Ça balance des petits éclats dans tous les sens. Tout le monde est blessé avec un traître. Et c'est difficile de s'en remettre. Vous êtes vraiment des porcs. Je suis venu te mettre en garde. Ils vont me donner quand? C'est fait. Ils m'ont vendu à l'IRA. Pas vendu, Tyrone. Cadeau. Et ils ont aussi affirmé qu'ils avaient 3 agents à la direction de votre mouvement. C'est des conneries. Peut-être, mais l'IRA ne va pas se contenter de ton appréciation. Tout le monde va suspecter tout le monde et ça va faire désordre. Bande de salauds. Tyrone ! Déconne pas. Ils vont venir te chercher, tu vas être interrogé. Tu sais très bien ce qu'ils font aux traîtres. On est en plein processus de paix. Ils ne me toucheront pas. J'ai continué mon chemin. J'ai espéré qu'il me rattrape une fois encore, qu'il me parle, m'explique comment ça s'était passé pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait après avoir trahi? Qu'est-ce qu'on devient? Où aller? Mourir en Angleterre comme apostat, m'exiler aux États-Unis, en Australie. Vos papiers, vos logements, vos travails, vos amis, vos vies. Lyra retrouve toujours les traîtres. Partout, elle les retrouve, même longtemps après. Une soixantaine de mouchards avaient été exécutés. Des centaines d'autres chassés de nos villes. Non, je ne les suivrai plus. J'arrêtais tout, je restais. J'étais chez moi. J'avais autant droit à cette terre que tous les Irlandais réunis. J'ai espéré qu'ils courent après moi. Ils me ceinturent, m'emmènent de force, me calment, me cachent, me protègent. Mais il n'a pas bougé. Lorsque j'ai tourné le coin de la rue, il était déjà monté dans sa voiture. Je ne l'ai pas revu. Il disait s'appeler Frank Congreve. Je n'ai jamais su si c'était son vrai nom. Byron. Michael Doyle et Eugene Murray sont là. Tu sais, l'ourson. Tu es en sueur. Ça va? Je leur dis que tu es malade. Qu'ils reviennent demain. Où sont-ils? Dans le salon. Ils ont l'air embêtés, tu sais. Avant même de savoir, elle comprenait. Il était 23 heures, le 14 décembre 2006. Deux gars de Lyra avaient sonné à la porte. Ce n'était pas normal. Reste là, ne descends pas, s'il te plaît, ma femme. Qu'as-tu fait, Tyrone? J'ai posé un doigt sur ses lèvres, épousant la marque de l'ange. J'ai refermé la porte sur elle et je suis descendu lentement. Mike? Eugene? J'ai tendu la main. Aucun d'eux ne l'a prise. On a un problème, Tyrone. Vous avez un problème? Tu as un problème. Il y a des bruits qui courent sur toi. De sales bruits. Quel bruit, Mike? Tu veux bien nous suivre? J'ai regardé par la fenêtre. Une voiture attendait dans la rue, avec deux hommes à bord. Ah, pas comme ça, non. Pas de nuit. Si vous avez quelque chose à dire, envoyez-moi quelqu'un du conseil de l'armée. C'est lui qui nous envoie. Tu perds ton temps, Mike. Je connais la procédure. Prends ton manteau. Ma vie se jouait, j'en étais certain. Cesser le feu ou pas, quitter la maison maintenant, c'était pourrir sur une décharge du côté de la frontière. Il fallait qu'il s'en aille. Qu'il revienne plus tard, avec le jour et sans ses regards-là. Dépêche-toi, Tyrone. Mais bon Dieu, vous avez jamais pris une cuite, vous? Vous voulez que je regrette, c'est ça? D'accord, je regrette. Ça ne dérange pas quelqu'un pour son milieu de la nuit. Faites venir Joe Cahill, tous les autres, si vous voulez, et je m'excuserai publiquement. Qu'est-ce que tu racontes? Mais comment qu'est-ce que je raconte? Je m'excuse. Je suis prêt à monter sur la scène du Thomas H pour m'agenouiller. Ça vous suffit pas. Vous n'avez pas du poids à l'enfermant de Tom. Pas faire de scandale, je sais. On dit que tu es un traître, Tyrone. J'ai mal entendu. Un agent britannique. Sortez, tous les deux. Tyrone! Ta gueule, O'Doyle. Qu'est-ce qu'on t'a appris depuis que tu as rejoint l'armée? Les Brits ont deux manières de faire la guerre, la propagande et le fusil. Je sais! Tu sais rien! Nous sommes en train de gagner cette guerre! Ils ont annoncé à nous tuer, alors ils veulent nous abattre! Ils balancent un poison et tout le monde l'avale et toi avec! Qu'est-ce qu'on raconte encore? Il y a combien de traîtres avec moi? 2, 10, toute la ville? Et qui me dit que tu n'es pas un traître, Mike O'Doyle? Et toi? Eugene Murray, qui passe ton temps à poser des questions. Vous vous rendez compte? Vous faites le sale boulot des Brits. Hey, on dénonce Tyrone Meehan. Et pourquoi pas Mickey aussi? Et faire Sheridan. Richie là, au fait. Je me suis retourné brusquement. Ma femme était blême. Pieds nus sur la première marche. Les mains jointes, comme le faisait maman. Bon Dieu! Et tu nous espionnais ici, la Meehan? Non! Tyrone, arrête! Elle est tombée. Sa robe de chambre, ouverte sur un éclat de sein. Regardez ce que vous avez fait à ma femme! Arrête ! Arrête ! Je suis Tyrone Meehan, soldat de la République irlandaise. Et personne ne m'empêchera de lutter pour la liberté de mon pays. Lâche-le, Mike. Viens, on y va. Tu sais où nous trouver, Meehan. Hé, hey, ne tarde pas trop. Sheila n'avait pas bougé. Elle était allongée contre le mur, main protégeant sa nuque. Je me suis agenouillé à côté d'elle, puis couché sur le côté, dans son dos, en cuillère, comme le dimanche matin quand nous avions le temps. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai serrée si fort. J'avais ses cheveux dans le visage, ses doigts entre les miens, son odeur fanée. J'étais brûlant. Elle était glacée. Qu'as-tu fait, Weeman? Le lendemain soir, je suis allé chez Mike O'Doyle. J'ai sonné. Il m'a ouvert. Il a vu mon sac. J'arrive. Il ne m'a pas fait entrer. Par la porte ouverte de son salon, je l'entendais téléphoner. Abby, ma petite filleule, a entrouvert le rideau de la fenêtre. Elle m'a fait un petit signe de la main en souriant. C'est pas un Tyrone ? Mike a rangé son portable. Il s'est approché de sa fille, m'a regardé. Lui, dans cette chaleur, ce bonheur si violent. Et moi, dans ma nuit glacée, mon hiver. Une vitre nous séparait. Un rideau de dentelle blanche, retenu par une main d'enfant. Mike le sombre, Abby la lumineuse. Celui qui sait et celle qui ignore. Notre revanche sera la vie de nos enfants. Je l'avais dit sur la tombe de Danny, et c'était fait. Lorsque Mike a tiré le rideau sur les yeux de sa fille, j'ai fermé les miens. Je garderai cet instant, cette insouciance, cette innocence et cet amour pour moi. Le parti avait réservé le salon d'un hôtel de Dublin et convoqué une conférence de presse. Sinn Féin tenait à démontrer que les Britanniques continuaient leur sale guerre. Après avoir tenté d'écraser notre résistance, il l'avait infiltré et corrompu certains de ses membres. J'ai été pris de vertige. Les caméras, les micros, tous ces journalistes qui parlaient à la fois. Que savaient-ils de moi, de notre lutte? Que venaient-ils faire là? Entendre quoi? Apprendre quoi? Rapporter quoi? Pour eux, la guerre avait été tellement facile à raconter. La paix, pas intéressant. L'espoir est plus difficile à vendre que la crainte. Et soudain, sans cri égard, voilà qu'ils avaient un traître à se mettre sous la dent. Un espion, un frisson, un vieux Roland de guerre. Je m'appelle Tyrone Meehan. Je suis un agent britannique. J'étais recruté il y a 20 ans, au moment délicat de mon existence. On m'a payé pour donner des informations. J'ai inspiré en grand. L'air me revenait. Voilà. C'était fait. J'avais cette confession en gorge depuis toutes ces années. Je l'avais répétée des nuits et des jours. Je l'avais prononcée à voix basse dans les rues, au comptoir des pubs, au cœur des marches tricolores. Je l'avais murmurée du bout des yeux. À Sheila, à Jack, à mes camarades, à mes amis. J'aurais tellement aimé que quelqu'un l'entende. Et j'ai tellement prié pour que nul ne le sache. Après que j'ai avoué, le parti républicain Sinn Féin m'a rendu à l'IRA pour être interrogé. Il n'avait pas compris que cet aveu sans âme pour la presse s'adressait aussi à mon propre camp. Je suis en état d'arrestation. Calme-toi, Je te pose une question, Mike O'Doyle. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Nous ne sommes pas masqués. Tu nous regardes en face et tu n'es pas entravé. Ça devrait te suffire comme réponse. Alors laissez-moi partir. Ici, tu n'as aucun droit. Je ne vous connais pas. Je parle à Mike O'Doyle. Donne-nous ton nom. Je te connais depuis plus de 40 ans. Je t'ai vu naître. Arrête tes conneries, Mike. Donne ton nom. C'est la procédure. Quelle procédure? Lyra a déposé les armes. Il n'y a plus de procédure. Ici, c'est nous qui décidons. Alors tu te calmes. Tu nous donnes ton nom et tout se passera bien. Je sais comment ça se passe quand on parle. Plus vite tu répondras, plus vite tu retrouveras ta femme et ton fils. Tu sais qu'il ne t'arrivera rien. Alors pourquoi vous filmez tout ça? Pour qu'il y ait des traces. Des traces? La preuve que ton interrogatoire s'est bien passé. Personne ne sort vivant d'une merde comme ça. Nous avons déposé des armes. Tu l'as dit toi-même. Je pourrais rester en Irlande? Tu es libre? Et si je refuse de répondre? Soulage-toi. Parle. Ton nom? Meehan. Plus fort? Meehan. Prénom? Tyrone. Tu es né où et quand, Tyrone Meehan? Le 8 mars 1925 à Killybegs, Donegal. À quel âge as-tu rejoint l'Ira? Je ne sais plus, vers 17 ans. Tu as été emprisonné presque immédiatement? J'ai été interné en février 43, en 57. J'ai pris 5 ans en septembre 61. Tu as dit que tu nous trahissais depuis près de 25 ans. 15 mois. Tu peux être plus précis. Depuis novembre 81. Tu veux un verre d'eau? Après les grèves de la faim? À peu près, oui. Comment ça? Tu ne crains rien, à peu près? Oui. Tu veux te reposer, Mian? Je veux bien. Ton nom, c'était ça. Nous devons t'interroger. Lyra te demande ton nom. Tu nous as dit, j'ai été compromis à une période délicate de ma vie. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas m'en expliquer. On arrête, Tyrone. Je suis libre de partir. C'est ça. Mais je veux rester vivre en Irlande. Nous ne voulons pas le savoir. Si Lyra veut qu'il ne m'arrive rien, il ne m'arrivera rien. Je les avais piégés. Lyra ne veut rien. Si j'étais tué... La phrase n'a pas de sens. ...par un loyaliste, un Britannique, ou un nationaliste de comptoir, son fusil de chasse en main, tout le monde accuserait Lyra. Et ce serait la fin du processus de paix. Tu veux quoi, Mian? Une protection? Tu es seul? Une saloperie d'homme seul. Sans communauté, sans respect, sans plus rien. Ça fait 4 jours qu'on t'interroge pour rien. Tu n'as même pas parlé pour te soulager, alors va-t'en. Tu es libre, Meehan. Je peux partir, Mike. Nous te le demandons. Je ne parle pas à vous. Je parle à Mike O'Doyle. Laisse tomber, Meehan. Il ne m'arrivera rien. Vois ça avec les autres. Quels autres? Il n'y a pas que Lyra, Meehan. Vous parlez de qui? Tu es un traître. Ça fait du monde en face. C'est une menace. Suffit, on arrête l'interrogatoire. Répondez. C'est une menace. Tu te débrouilles. Vous êtes responsable de ce qui va m'arriver. Pourquoi? Qui dit ça, Meehan? Tout le monde. Tout le monde dira que c'est Lyra. Mets ton nom. Mike. Putain, dis quelque chose, Mike O'Doyle. Lève-toi, Meehan. Tu t'en vas. C'est mon arrêt de mort. Tu le sais, Mike. On arrête tout, bon Dieu. Coupez cette saloperie de caméra. Trois mois ont passé depuis mon retour à Killybegs. Hier soir, en me couchant, j'ai chantonné. Ma voix m'a surpris. J'étais assis sur le lit, une biographie de James Conley posée sur la couverture. J'ai tendu l'oreille comme si quelqu'un d'autre était entré dans la pièce. Bière, vodka... Fébrilité, ivresse. Je me suis couché. Puis je me suis réveillé à 3h du matin, terrorisé. Une explosion. Ce n'était pas la foudre, un cri déchiré d'acier et de ferraille. Pas loin de la maison, dans le chemin peut-être. J'ai pris une lampe de poche et la crosse de Hurling de Shane. Il faisait nuit. Il n'y avait rien dehors. Moi seul, j'ai fait le tour de la maison. Du bruit dans mon dos, le bruissement de la forêt, un renard ou un mulot en chasse. Tyrone Meehan est là! Vous nous attend, Talon ! J'ai interrogé le ciel. Il ne parlait pas d'orage. La lune caressait les murets de pierre et le haut des collines. J'avais été réveillé par une explosion de nuit, un fracas de mémoire. Ces remords en chaos qui déchirent les rêves. Je suis rentré. J'ai ouvert la bouteille de vodka. Cool, cool, cool. Voilà, comme ça. La capsule gazeuse d'une boîte de bière. J'ai mélangé jusqu'au bord. Encore ivre d'hier, déjà ivre d'aujourd'hui. Et qui, pour me juger ? Ici, je parle avec les rats. J'ai des amis cloportes. Je partage mon pain avec les fourmis soldats, des unités entières qui marchent sous mes ordres. Dans la maison de mon père, c'est moi qui commande. J'ai ouvert les rideaux, la fenêtre en grand. Je voulais qu'on me voie du milieu de la nuit. Dans quelques heures, il y aurait une clarté blanche à l'horizon. Les premiers oiseaux. La lumière qui pardonne. Encore un nouveau jour. Et je serai vivant. J'ai de la fièvre. Le jour tarde. J'attends toujours ce lambeau de clarté. J'ai froid dans mon pays. Mal de ma terre. Je ne respire plus. Je bois. La bière coule en pleurs sur ma poitrine. Je sais qu'ils attendent. Ils vont venir. Ils sont là. Je ne bougerai pas. Je suis dans la maison de mon père. Je les regarderai en face, leurs yeux dans les miens. Le pardon du fusillé offert à ses bourreaux. Mon Dieu. Maman. Aide-moi. J'ai tellement peur. Le corps de Tyran Meehan a été retrouvé le jeudi 5 avril 2007 à 15h. Il était couché sur le ventre dans le salon, devant la cheminée. Il revenait certainement de la forêt. Des branchages étaient éparpillés tout autour de lui. Il portait sa veste et son écharpe. Sa casquette était sur le sol. Lyra a immédiatement nié toute responsabilité dans la mort de Tyran Meehan. Et c'est 4 ans plus tard qu'un groupe républicain opposé au processus de paix a revendiqué son exécution pour cause de trahison. Tyran Meehan a été enterré le 14 avril 2007 au cimetière municipal de Belfast, accompagné de sa seule famille. C'était Retour à Killybegs de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet, Aurélia Petit, Éric Herson-Macarel, Gabriel Dufay, Christophe Vandevelde, Corinne Martin, Othello Vilgar, Vincent Nemeth. Merci au capitaine Basso et au personnel du camp de gendarmerie de Benne. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Retour à Killybegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions. Et...